Ah, Combabus prend la défense de Madame Marneffe, dit Joséphat qui se leva solennellement. Elle alla d'un air tragique jusqu'à Montès, elle lui donna sur la tête une petite tape amicale, elle le regarda pendant un instant, en laissant voir sur sa figure une admiration comique, et hocha la tête. Hulot est le premier exemple de l'amour quand même. Voilà le second, dit-elle, mais il ne devrait pas compter, car il vient des tropiques. Au moment où Joséphat frappa doucement le front du Brésilien, Montès retomba sur sa chaise et s'adressa par un regard à Du Tillet. « Si je suis le jouet d'une de vos plaisanteries parisiennes, lui dit-il, si vous avez voulu m'arracher mon secret !» Et il enveloppa la table entière d'une ceinture de feu, embrassant tous les convives d'un coup d'œil où flamba le soleil du Brésil. « Par grâce, avouez-le-moi » reprit-il d'un air suppliant et presque enfantin. « Mais ne calomniez pas une femme que j'aime !»« Ah ça !» lui répondit Carabine à l'oreille. « Mais si vous étiez indignement trahi, trompé, joué par Valérie, et que je vous en donnasse l'épreuve, dans une heure, chez moi, que feriez-vous »« Je ne puis pas vous le dire ici, devant tous ces yagos !» dit le baron brésilien. Carabine entendit Magot. « Eh bien, taisez-vous, lui répondit-elle en souriant, ne prêtez pas à rire aux hommes les plus spirituels de Paris, et venez chez moi, nous causerons. »